Bonjour amis Sagittaires, alors on va regarder quel est le message de l'oracle de Béline pour vous pour ce mois d'avril 2023, mais on se concentre cette fois sur vos amours. Alors, que va nous dire? Ouh là là! Alors il y a des Sagittaires qui sont seuls et qui ne sont pas bien du tout, apparemment. Ce n'est pas le cas pour tous, je l'espère. Mais apparemment, ici, bon, le Béline veut s'adresser à ceux-là. Alors, les célibataires depuis un moment qui désespèrent, et peut-être aussi les personnes qui sont en couple et pour qui ça ne va pas du tout en ce moment. Mais on va voir le tirage. Peut-être que c'est la peur aussi que vous avez, que tout s'écroule. Puisque ce n'est qu'une coupe, et la coupe, elle colore le jeu, mais elle ne fait pas tout le tirage. Amour, 2023, avril, Sagittaire, évidemment, on est dessus. Bon, ça va, ça va, ça va. Oui, il y a des petits il y a des problèmes. Hein. Apparemment, dans votre couple, tout allait bien. Il y avait une certaine paix, une quiétude, une plénitude entre vous, dans votre lien, qui est solide hein, malgré tout. C'est vrai que... ce qui rayonne sur le jeu, c'est que vous appuyez l'un sur l'autre, donc ça c'est important, il y a quand même une bonne confiance, la confiance règne dans le couple, donc ça c'est très important, et cela va apporter la solution, cette confiance, cet instinct de protection l'un pour l'autre, va apporter une solution pour affronter, pour régler un litige, un problème, moi je dirais une dispute entre vous, donc... le tout c'est de ne pas envenimer les choses et de vous remettre en tête absolument les choses qui vous unissent pour pouvoir éviter les difficultés, que les difficultés ne prennent trop d'ampleur. Et là vous voyez on a à nouveau la passion, elle est excellente, le petit oracle ici il est excellent. Par la suite vous allez retrouver la passion dans la maison et même alors on a la carte de la passion mais on a la carte aussi de la stabilité et de la sagesse. Donc normalement en gros il y a une dispute possible pour vous Sagittaire dans votre couple, mais les choses vont s'arranger si vous faites appel à votre sagesse intérieure et vous allez même pouvoir vous rapprocher intensément en fin de mois. Et puis pour les célibataires c'est pas trop le moment, en avril c'est compliqué et vous risquez de parfois de vous poser beaucoup de questions, de désespérer un peu, mais surtout n'en venez pas là parce que derrière il va y avoir une vraie rencontre, mais ce n'est pas pour ce mois-ci, mais elle est déjà en train de se préparer. Alors bonne chance, à bientôt.